Bonjour, nous sommes à l'AG du Crédit Mutuel et nous venons pour interviewer des clients du Crédit Mutuel. Bonjour, êtes-vous client ou partenaire ? Je suis client. Dans quelle commune habitez-vous ? À Venanceau. Pas loin du Colorado. Qu'attendez-vous d'une banque ? Des services qui soient en adéquation à ce que j'ai besoin, au niveau placement, au niveau crédit, puis différents services aussi annexes. Pourquoi avez-vous choisi cette banque ? Alors, je dirais Joker, parce que j'ai travaillé dans au Crédit Mutuel. Qu'est-ce que vous appréciez au Crédit Mutuel ? C'est la relation avec les employés, tout. C'est une question de relationnel, surtout. D'accord, merci, au revoir. Voilà.